Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhal kafirun. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, ô vous les infidèles, la a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum abidun ma a'bud. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Wala antum 'abidun ma 'abud. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion. Et à moi ma religion.